La majeure. La majeure. Una setmana més arrenquem el nostre espai La música en francès. La música cantada en francès té el seu espai, té els seus minuts, els seus moments a través d'aquesta sintonia, i ho farà gràcies amb aquest espai que és Hola la música amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Si mineur, la majeure, si mineur, la majeure, si mineur. La nostra tercera temporada aquí està, i en aquest cas amb el nostre programa número 91, disposats a escoltar bons artistes i excel·lent música. Avui, però, el que començarem fent és escoltar els protagonistes, que us tenim ja ben preparats per que en disfruteu al nostre costat. Similar. Amb la música de Philip Cataguin comencem el nostre espai i ho fem escoltant de fons aquest tema que aquesta tercera temporada és la que obre els nostres espais. La música amb Faltant Angel. Seguim amb aquests propers minuts i ho farem escoltant alguna de les seves cançons, com aquesta. soirée. Je veux faire la fête avec mes amis français. Yeah! Allez, danse. On va en boîte de nuit ce soir. Wow! Merde, je ne sais pas encore comment m'habiller. Est-ce que je vais mettre des choses un peu sexy? Ah non! Je ne vais pas me faire remarquer. Je ne vais pas me faire remarquer. Finalement, mes amis ne sont pas venus. Je me retrouve tout seul en boîte à la honte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, ben tant pis. Je danse. Alors là, j'en reviens pas. Qui c'est qui danse comme Michael Jackson sur la piste? Je crois que c'est mon ami Gabi. Ah, mais finalement, ils sont venus. Il y a Gabi, Sébastien, Ochan, Johan. Oh là là. Bien. Je suis content. Je suis en discothèque. Et je danse. Et je danse. Je danse. Je danse. Je danse. Soit Si tu ne peux plus dire d'alléluia, que ton destin te semble bien plat. Bill Taney, així escrit, és la festa de la fertilitat, és l'1 de maig, amb aquest nom, la festa de la passió i la purificació, amb la creació que ens flueix a la sang. Es manifesta, sens dubte, amb les relacions personals a la Terra, que floreix en tota la plenitud del seu creixement i creativitat. El mes de maig ja se sap que comença d'aquesta manera. Doncs sota aquest nom, l'àngel de la fertilitat, se'ns acosta Bill Taney Angel, amb aquest artístic, amb un món imaginari fantàstic, però no tan irreal com un es podria arribar a pensar, perquè la decisió és teva d'escoltar-los o no. La vida està feta de moltes possibilitats, els límits amb la seva música no existeixen. Hi ha, amb les seves cançons, principis espirituals o filosòfics del sentit comú, i una música que oscil·la entre dolçor i acidesa, on els tabús estan prohibits i on no tenim por de molestar. Aquest tipus de música que ens porta Bill Taney Angel és, o el podem qualificar com a pop-rock simfònic, ja hi parla de tot. Cantautor, codirector, que va treballar amb la realització d'aquests temes que escoltem, en Christophe Hussain, un director parisenc, però també envoltat de Massimo Dresen a la bateria, de Christophe Peul, violinista, Oliver Soubirous al baix, Fred Beauchamp a la guitarra. Hem escoltat la seva música, és Bill Taney Angel, amb aquestes tres cançons, Sé que fas dir sí, Genance, Pensons-moi, i també Pas ce soir. C'est mieux, car c'est un autre amour. fait pour l'amour. Je n'y ai jamais cru. J'ai demandé à voir, j'ai vu des larmes et des larmes. Beaucoup moins de charme. Je ne partirai pas ce soir. C'est trop tôt ou c'est trop tard. Je ne partirai pas. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Ses souvenirs qui s'envolent. C'est pour ça qu'on la rejette, c'est pour ça qu'on la dit folle. Alors elle parle aux oiseaux ou elle fait des ronds dans l'eau. Et des petites choses qui la retiennent de se jeter dans la Seine. Elle a un trou dans le cœur et plein d'amour qui se perd. Elle aime dans la douleur un type qu'on a rien à faire. Alors elle veut plus être belle, elle veut plus rien être du tout. Elle dort entre deux poubelles, tout près d'un chat qui s'en fout. Et puis, il y a tous ces trains qui partent au loin. Et puis, le quotidien et tous ses liens. Et puis il y a le temps qui file. Et puis c'est plus facile de s'inventer une île sans domicile. Son esprit qui s'étiole. Elle sait plus dans quelle tempête elle a largué sa boussole. C'est vrai qu'avec son ombrelle qu'elle ouvre même sous les ponts, on dirait une caravelle échouée sur le béton. Elle regarde les autres paumés, les naufragés de l'hiver. Mais c'est chacun de son côté, chacun pour soi en enfer. Elle ne veut rien savoir d'eux et surtout pas leur histoire. Elle veut pas se voir dans leurs yeux, elle a trop peur des miroirs. Et puis, il y a tous ces trains, mais quel est le sien? La vie, à quoi ça tient? À presque rien. Suffit qu'on soit fragile. Suffit qu'on sente inutile et on se perd dans la grande ville sans domicile. Qui és el segon protagonista del programa d'avui? Bé, molts ja l'haureu conegut, un personatge nascut a Itàlia, Sicília, un cantautor de fama internacional, mig italià, mig belga, Salvatore Adamo, així el coneixíem nosaltres, Adamo, cantant, evidentment, romàntic. L'Adamo sempre ha sabut transformar escenes de la vida quotidiana en versos carregats de poesia i romanticisme. Jacques Brel el va qualificar en el seu moment com a tendre jardiner de l'amor. Però també ha defensat que la música de veritat ha de ser un reflex dels problemes del seu temps. Després d'aquells grans èxits, avui n'escoltem algun, però també altres cançons d'altres etapes de la seva carrera. Recordeu aquell Inshallah, inspirada amb el conflicte àrabo-israelià del 1967. Va denunciar, per exemple, el règim de Franco, Manuel, el 76, o l'escàndol de la pobresa, amb aquesta cançó que acabem d'escoltar l'any 95, aquest Sense domicili. Entre els seus èxits es troben cançons que també va interpretar en castellà, com Un mechón de tu cabello, Mis manos en tu cintura, o La bellesa de les dones. Els tres propers temes que escoltem són precisament temes d'aquest tipus, en la versió original en francès. Aquesta de La mechón de tus cabellos, Mis manos en tu cintura, en francès, i també el seu primer èxit, el primer que va tenir l'any 1963 a Bèlgica, el Sans Toi Mami, va ser un número 1 del Hit Parade belga d'aquell any 63. Aquestes tres cançons, en Salvatore Adamo, a continuació, Oh La La Music. Au fond de mon grenier, blotti dans un tiroir, un jour j'ai retrouvé une amourette d'un soir. Elle s'était envolée, je ne sais plus pourquoi, je l'avais oubliée depuis longtemps déjà. Dans un papier jauni, recouvert de poussière, son petit corps meurtri reposait solitaire. Elle était venue mourir dans ce décor antique, elle était venue mourir en laissant pour relique une mèche de cheveux qu'elle m'avait donné, une mèche des cheveux qu'un jour j'ai caressé, une mèche de cheveux qui venait ressusciter le souvenir d'un temps heureux, le doux mirage d'un été. Le doux mirage d'un été. Je sentais ma mémoire prête à tout raconter, mais je connaissais l'histoire, j'ai préféré rêver.

sans toi ma nuit. Je vogue sans but, je vogue perdu sous un ciel tout noir. Comprends que dans les rues tant de filles nous tentent et leur air ingénu nous torture et nous hante. Aussi je viens vers toi pour te confier ma voile. Toi, tu me guideras, tu es ma bonne étoile. Sans toi, ma nuit, le temps est si lourd, les heures et les jours sombres sans espoir. Sans toi, ma nuit. Oh la la music, amb Rafael Corbí. De la pénombre, et combien de regrets, monochrome du nombre. La lumière est un souhait, si du fond des ténèbres elle pouvait profiter d'un premier rayon zèbre, presque elle en pâlirait, presque elle en pâlirait. Música, ja ho veieu, diferent. És Lady Arlette, que ens acompanyarà també durant uns minuts, quatre cançons de la que ens porta aquesta artista que celebrant més de 10 anys ja en el món de la música i que ens ha conduït a escoltar en el dia d'avui alguna de les seves cançons. És Lady Arlette, la princesa de la música, que avui és protagonista amb el nostre espai. Un dels seus grans èxits, precisament, és aquesta cançó que us fotem ara, Je suis madame. Tous les excuses pour avoir passé par ce moyen. Je pense que vous êtes digne de la recommandation de ma prière. Donc, une personne honorable et de confiance. C'est pour moi un plaisir et honneur de vous contacter. Je sais que cette lettre viendra à vous comme une surprise. Je suis madame Esther Coffey et viens par là vous demander $1 cash d'humanité. J'étais mariée à Monsieur Mort, il a eu tort de décéder. Je vous écris par la confiance absolue pour vous demander votre assistance. Des sommes, des hommes et pas de clé. Si vous êtes disposé à m'aider, indiquez votre intention en répondant le plus tôt possible. J'écris une lettre. Vous existez. Nous ne nous sommes jamais croisés. Je suis venu avec tous les papiers dont je suis le bénéficiaire. Je suis madame Estella Bord, comptable et parfois sycomore. Ma terre est seule dans l'ombre, errant le long des fleuves de faux diamants. Si vous êtes disposé à m'aider, indiquez votre intention en répondant le plus tôt possible. Des armes, des larmes et pas de clé. Des casques bleus et des secrets. J'attends vos codes, créditeurs. Mon compte vole vers l'équateur. Ne nous sommes jamais croisés. Parfois et à vapeur, ça va de soi. Ma robe brise, mon désarroi, le monde est léger et j'aime ça. Le monde est léger et j'aime ça. 40 annuités souterraines. Père inconnu de la mondaine. Mon cabaret est improbable, cirque à dentelle électrisable. Dans mon chapeau, tout en bazar, Elvis dort sur un nénuphar. 40 annuités souveraines. Faire la taille de bonnet N. À distance, je suis Lady de courant d'air. Arlette, c'est pour vous plaire. En romance, je suis Lady sans avoir l'air. Arlette, c'est pour mon père. Je suis diva, de bas en haut, lucide m'aimant, buvant de l'eau. Ma robe s'en mêle dans mes émois, le monde est tatoué et j'aime ça. Le monde est tatoué, j'aime ça. Ma dentelle devient électrique. Ma pensée est métallurgique. Mon cabaret est convivial, aux atmosphères de bacchanal. Dans mon chapeau tout déglingué, Barbie tricote une lame d'acier. Mes émotions sont métalliques. Ma dentelle devient électrique. À distance, je suis Lady de courant d'air. Arlette, c'est pour vous plaire. Des de Normandia, amb la seva música, Lady Arlette, a l'ombra, Je suis Madame i Je suis Diva, perquè el 2009 va debutar, el 2011 el seu exitós àlbum Je suis Madame i el 2013 Je suis Diva va ser la continuació a la seva música. Lady Arlette en diuen que no saben si això és rock o és poesia. Jo suposo que dintre del que aquest és poesia feta sobre una base de música rock. Us pot agradar o no, però ella és diferent, és elèctrica, és com la bona escudella que bull, enteneu? Doncs Lady Arlette és així. Ens ha acompanyat amb les seves cançons, de fet amb tres, però n'hi ha una quarta, òbviament, com tots els protagonistes del programa d'avui. J'aime les vieilles qui fument, le doux bruit de l'enclume sur leur cœur en soufflet. Ça fait comme la brise en été sur la roue arrière gauche d'une déesse déglinguée. J'aime les vieilles qui fument, contre vent écurée, légère comme une dune, leurs bras d'honneur d'écume fait valser les décrets, les lois et les coutumes d'un monde aseptisé. J'aime les vieilles qui hument un épic chardonnay sans phare ni costume. Elles vont se coucher tard dans un vieux lit de plumes et rêvent de lupanard, de baisers, de bitume. J'aime les vieilles qui fument leur bouche en soie plissée fait des ronds de fumée. Elles dévoilent à la lune des fesses rallumées. C'est leur vie qui exhume nos cerveaux embrumés. Clopante, on est bien mieux pour caresser nos amertumes. Oublions-nous, égarons Dieu, les tisanes lentes, nos maladresses, ressuscitons nos rêves capricieux, mais avec ivresse. la seva música. Possiblement de les tres és la que més m'ha agradat, aquesta cançó de Lady Arlette que acabem d'escoltar. Esteu escoltant Ulala Music. Doncs sí, Ulala Music arriba al seu final ja amb els darrers instants i avui amb en Marcos, que ens recomana escoltar alguna cançó d'un personatge que jo havia seguit força pel seu temps, però no amb el món de la música, sinó amb el món del tennis, en Yannick Noah, el cantant nascut a Sedan el 1960 i que va aconseguir el Roland Garros el 1983. El seu fill és jugador de la NBA. També es va dedicar al món de la música i ho va fer certament prou bé. A mi em va encantar la música que va fer, bastant interessant, debutant el 1991 amb el Black and White i també cantant entre el francès i l'anglès amb les seves cançons. Va superar el milió de còpies venudes amb l'àlbum Charango el 2006, amb un parell de cançons, amb un parell de senzills molt destacats. En Marcos, però, ens recomana, entre d'altres, aquesta cançó, Mon El Dogado. Je respire, je revois mes espoirs d'avant. Je repars jusqu'à dire je peux remonter le temps. Comme nu, au début, au tout premier cri, je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Apprends à être vivant. La chaleur, la douceur, je recommence autrement. Le plus beau, quel que soit le prix, je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil. Qui nous est nécessaire. Comme toi, comme nous, tout ce qui est doux et normal, et qui peu à peu nous devient vital. El seu album Pokhara del 2003, una àmplia i molt bona discografia. També cal ressaltar altres àlbums, a part d'aquest Charango del 2006, la cançó Àngela, dedicada a l'activista política Angela Davis, amb Fronteres, el seu treball del 2010, o el Homage, publicat el 2012. Doncs bé, amb la companyia d'ell i del nostre protagonista avui, de Yannick Noah, també ens acomiadem amb una darrera cançó des d'un altre dels seus àlbums, tot portant-vos aquesta música en el dia d'avui. Yannick Noah, amb un programa que ha comptat amb Beltan Angel, amb Adamo, Lady Arlette i aquestes darreres cançons. Salutacions de Rafael Corbí, fins una propera ocasió a Ulala Music. Tu es venu ce matin.